Gazteriaz mintzatuko gara tarte batez, baina beste modu batera nazioarteko ikuspegiarekin. Izan ere, Antxeta Irratiak, Madrileko Radio Vallecas eta Radio Enlazerekin, eta baita, zile Herrixkako Frekantz zile irratiarekin batera, egitasmo bat baitarama aurrera. 2012 urteko martxoan hasi ginen, eta 2013 urteko maiatza bukaeran amaitzen da delako egitasmo hau. Helburua nerabe eta gazteen errealitateak konparatzea da. Beti ere, bizi garen tokian, bizi garela, abantaia, desabantaia, edota ikuspegi ezberdinak dauzkagulako, baita bizi baldintza eta baliabide diferenteak ere. Orain dela gutxi, Hendaian, gure eskualde honetan, Behe-Bidasoa eskualdean izan ditugu 25 gazte eta denak, Frekantz zile, Radio Enlace eta Radio Vallecasekoak. Topaketa oro gai nagusi bat izaten dugu eta azken aurren honetan, topaketa honetan identitateaz mintzatu gara eta nola ez, Euskal Herrira etorri direnez, Euskal identitateaz mintzatu gara. Lehenik eta behin, espainolen iritzia entzungo dugu eta ondoren frantsesei irekiko diegu mikrofonoa. Eso es el halo. Que, a ver, yo qué sé, pues me ha gustado bastante lo que es Hendaya en sí, porque, no sé, aparte de que es una zona bastante rural y a mí me gusta bastante las zonas rurales, pues, no sé, yo creo que ha estado bastante bien también las charlas que nos han dado y eso, muy, muy instructivo. Y también me ha sorprendido bastante como que hay muchas diferencias entre Irún y Hendaya también, esas diferencias también. Me ha sorprendido bastante y... Pues yo era la primera vez que he conocido esta zona porque no he estado nunca en Irún ni en Hendaya. Solamente conocía el País Vasco un poco de Bilbao. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha sorprendido que al cruzar la frontera entre España y Francia no hubiera ningún tipo de control. Pero la verdad es que se agradece porque la hemos cruzado bastantes veces a lo largo del día. Por parte del paisaje me ha gustado bastante. He conocido más a los vascos y a su cultura, o sea que también me ha llamado mucho la atención y me ha gustado. A mí lo que me ha sorprendido mucho son las ideas preconcebidas que teníamos las demás personas respecto al País Vasco y sobre todo lo diferente que hay de una zona a otra que están prácticamente al lado. A mí lo que me ha parecido más interesante ha sido el intercambio de ideas y tal, porque se ve que tenemos puntos de vista distintos, porque claro, tenemos información distinta, pero también tenemos muchos puntos en común, como por ejemplo el Gasteche me recuerda un montonazo de casas ocupadas de mi barrio y el ambiente es prácticamente igual, lo que pasa que bueno, luego aparte está el tema del nacionalismo, que nosotros en Madrid, por ejemplo, no lo tenemos porque no tenemos ese concepto de nación. Coincido con María, ¿no?, en lo que contaba un poco pues sobre el independentismo y toda esta historia, que bueno, pero que en Madrid también hay gente que no está conforme con lo que actualmente hay hoy respecto pues a los políticos y todo este rollo, y que en Madrid también tenemos pues como nuestra lucha, ¿sabes?, para cambiar un poco toda esta historia, porque yo creo que estamos todos, pero vamos, tanto los vascos como los asturianos, como los gallegos, estamos todos hasta los mismísimos de pues esto, pues de todas estas, bueno, de todos los políticos politicuchos y de sus tramas y de sus mierdas en general. Después, bueno, Euskal me encanta, ¿vale? Ya es la segunda vez que estoy aquí y me flipa ante todo la gastronomía. Soy Lalo de Radio Vallecas. Bueno, a mí me ha parecido muy curioso que pueda decir que he estado 4 veces en España y en Francia en el mismo día, ¿no? Bueno, ya hablando en serio, me ha parecido bastante interesante la convivencia que hay entre Hendaya e Irún, a pesar de estar en dos países distintos, pues bueno, por la cercanía, pues parece que están juntos, ¿no? Que esa frontera, pues realmente existe simplemente por decir que hay una frontera, pero realmente, pues en términos de localización o de cercanía, pues tampoco existe, ¿no? Y bueno, pues que la verdad es que hemos conocido de primera mano y bastante bien la realidad que hay en el País Vasco, ¿no? Que quizá desde, si no hubiéramos venido, pues la conocemos a través de otros medios, pero no tan real, ¿no? Como hemos podido comprobar aquí, hablando con gente de aquí, del País Vasco, ¿no? Eso me ha parecido bastante interesante. Madrileko bi irrati hauez gain, bada beste hirugarren bat, Frekanz Zile du izena, eta Zile herriskan dago. Parisetik 3 ordutara gutxi gora bera. Orotara 9 pertsona etorri dira oraingoan, 2 heldu eta 7 gazte eta nerabe. Beraiei ere euskal identitatearen inguruan galdetu diegu, ea zer iruditu zaien. Qu'est-ce que vous en pensez de la visite au Pays Basque ? Bah moi j'aime bien le Pays Basque pour ses coutumes, ses traditions, puis je connaissais déjà un peu alors voilà. Je trouve que le Pays Basque c'est totalement différent de chez moi, je retrouve pas les mêmes choses que chez moi par rapport aux horaires et même le style de vie c'est totalement différent. Moi j'aime bien le style et puis le cadre de la ville, j'aime bien le style des bâtiments, ça change, ça... par rapport à chez nous, il y a pas, c'est pas autant coloré. Enfin, moi j'aime bien le. Bah moi c'est pareil. Hein, l'architecture, c'est les bâtiments blancs comme ça, c'est vraiment sympa, ça change. Ouais, c'est mieux. Moi j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis arrivé hier, et puis c'est totalement différent de là où on habite. Une langue différente, une culture différente, des habitudes différentes quoi. Justement, tu as dit que tu as beaucoup appris. Le sujet principal c'était l'identité. Est-ce que vous espériez qu'il y avait une identité si forte, enfin une identité basque si forte? Oh non, je pensais que c'était une région comme les autres, avec forcément une culture un peu différente dans chaque région, mais pas autant différente des autres, quoi. Moi, je savais déjà un peu que bon, Pays Basque, c'était un peu particulier, on va dire. Ça fait partie de la France, mais c'est quand même assez, ça se détache, et je m'attendais pas quand même à une identité culturelle aussi importante et différente que celle qu'on connaît en France. Moi, je pensais pas que ce serait aussi fort l'attachement qu'ils auraient envers cette partie de la France. Moi aussi, je pensais pas que que le Pays Basque il se poserait autant de questions par rapport à l'identité de cette ville, pays. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Mais je trouve ça bien. C'est pareil. moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir de quelle manière ils essayaient d'obtenir leur indépendance. Et enfin, on fait partie de ce projet Jeunesse en Action avec deux radios espagnoles, une radio basque, une radio française, Fréquencillée. Le projet finit bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plus d'un an à peu près qu'on travaille ensemble. Connaître plus de monde, moi j'aime bien. Oui, puis c'est intéressant de voir aussi les opinions différentes suivant les pays, les cultures de chacun, quoi. Ouais, c'est super enrichissant, on apprend plein de choses. Voilà. Je trouve ça intéressant pour les futures générations, et puis c'est toujours bien de se poser des questions comme ça. Moi, je pense que tout ce qu'on a fait, ça a été constructif, et puis que ça va aider à faire avancer le processus pour la suite. Moi, exactement pareil, et puis bon, ça permet aussi de découvrir, par exemple, aussi pour nous, parce que bon, on vient quand même d'assez loin, et bon, ça permet déjà de découvrir, et puis d'essayer, comme disait Alexis, d'avancer après pour résoudre les problèmes. Non, je pense que c'est bien que chacune radio se découvre au fur et à mesure dans sa région natale pour bien expliquer sa culture différente, pour qu'on voit aussi vraiment quand on nous explique, quoi. Et pour finir, de la visite que vous avez faite à Hendaye et à Irun, qu'est-ce que vous avez aimé le plus ou qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Je sais pas trop. La mer? On l'a pas vu, mais bon. La montagne. On a vu la montagne de loin, oui, mais c'est là où les paysages sont sympas. On aurait été mieux sans la pluie, mais bon. La nourriture est très très bonne. J'ai bien aimé quand on allait, par exemple, dans le restaurant, dans le vieux Irun. Le style qu'il y avait dans les rues, c'est assez. C'est un peu typique, et c'est espagnol, c'est les vieilles rues espagnoles, c'est vraiment, moi j'aime bien, quoi. Ah pareil, la nourriture, j'ai adoré. pour ma part, la nourriture, j'ai pas trop aimé, enfin, ça change trop, je suis pas habituée à ça. Mais sinon, ouais, les rues, c'est beau, je trouve, enfin, c'est typique et c'est bien, c'est beau. Moi c'est pareil, la nourriture, j'ai pas trouvé ça top, mais sinon ça change, quoi. C'est surtout les horaires qui sont... Vous mangez pas du tout à la même heure que nous, on mange 2 heures avant, mais bon, donc voilà. Oui, par rapport aux horaires pour manger, on était un peu décalés, mais bon, sinon on a eu la chance d'avoir de la nourriture faite à la maison, et puis si, ça change. Puis même l'esprit tapas, convivial, et puis le fait de manger pas dans un resto, mais dans une association, en fait, c'est intéressant, quoi, ça change, c'est... Voilà, c'est plaisant. Ouais, c'est toujours mieux de faire des petits échanges comme ça, même avec la nourriture. Et orain, irakasleei edo tutorei pasako diegu hitza. Qu'est-ce que vous en pensez de la rencontre à Hendaye, de tout ce qu'on a fait hier soir et aujourd'hui? Moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant la présentation sur le Youth Pass, parce que, en fait, je me suis dit, il y a plein de possibilités et on n'est absolument pas préparé. Si lundi matin, les jeunes me demandent de valider leurs compétences de savoir-être et savoir-faire par rapport la rencontre interculturelle, je n'ai aucun outil, et même si j'observe les progrès qu'ils font, les compétences qu'ils montrent lors des expériences, les rencontres, les visites, je n'ai pas la compétence ni les outils pour valider Et donc ça me remet beaucoup en question. Voilà, et puis sinon, par rapport à les visites aujourd'hui, ici à l'association Gasteche, pardon, la prononciation, cette forte identité et revendication aussi bien basque que féministe, ça me remet beaucoup en question parce que je me pose la question pourquoi moi je n'ai pas de revendication, ni féministe, ni... Voilà, est-ce qu'on devrait... se poser beaucoup plus de questions. Est-ce qu'on devrait se mettre en mouvement beaucoup plus? On vit notre petite vie tranquille et on se pose peut-être pas assez de questions. Eric? Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est ce matin, les interventions sur la culture basque, l'identité basque, l'histoire basque, parce que je fais évidemment partie des gens qui pensent que l'histoire est indispensable pour comprendre aussi le présent et préparer le futur. Et toutes les explications qui ont été données avec trois points de vue différents, c'est-à-dire entre quelqu'un qui vient nous présenter la réalité aujourd'hui, d'une communauté de communes, d'un groupe de communes, les particularités que ça a, le transfrontalier. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas du tout et c'est intéressant de le découvrir. Le fait d'évoquer aussi la langue basque et puis la façon, son histoire. Moi, j'ai découvert un truc que je ne savais pas. Pour moi, le basque, c'était une langue ancestrale sur laquelle on se battait pour défendre une tradition, une langue populaire. J'ai découvert que c'était un truc tout nouveau. Ça fait 40 ans que cette langue finalement existerait. Mais alors je me dis, mais j'avais jamais rien compris à la question. 40 ans, la littérature. La langue existe depuis. Attends, j'ai bien écouté. Il y avait donc dans le Pays Basque une multitude de langues, de dialectes, de pratiques particulières de la langue. Il y a eu une vraie volonté, allez, on va dire à la fois culturelle et politique, il y a une cinquantaine d'années, de donner un corps à cette langue pour qu'elle soit partagée par l'ensemble de ces communautés. Et on est allé d'une langue orale vers une langue écrite. Finalement, c'est un peu ça, si j'ai bien compris. Et c'est ce qui fait que cette langue basque écrite est finalement une langue moderne, qui est finalement la langue d'unification de tous les gens qui se retrouvent, comme il a été dit, on dit toujours, et on se présente, et à la fin, on dit « et je suis basque hein, ». Exactement comme en Afrique, quand vous rencontrer des Africains, ils vous disent systématiquement qui ils sont, de quelle famille, de quel pays, et ils disent ensuite à quelle ethnie ils appartiennent. Et c'est systématique, c'est-à-dire que ce point-là est un point très fort. Alors, j'ai donc découvert ça. Voilà, je ne savais pas. Donc, je ne vais pas faire la liste de tout ce que j'ai appris ce matin, mais j'ai vraiment beaucoup appris sur le Pays Basque, son histoire, sa culture, sa langue, et je repartirai évidemment beaucoup plus riche culturellement que je ne suis arrivé. Comme moi j'aime bien dire, une journée efficace, une journée, pardonnez-moi l'expression, où on se couche moins con qu'on s'est levé le matin, hein, et ben je me coucherai moins con ce soir que je n'étais ce matin, donc c'est une bonne journée. La nourriture, ça va? Ah, moi j'adore ça, ce côté, moi je suis, les tortillas, j'adore ça, alors j'y peux rien, moi bon c'est comme ça, et puis j'aime bien, alors, ce que la cuisine basque en soi, je trouve qu'elle est toujours sympathique, hein, avec les petits piments de ci, de là, enfin voilà, et puis, bon, les plats intéressants, des fromages de montagne assez sympas, les petites confitures qui vont avec. Je sais même pas si le poème, les rouleguis, c'est pas un petit vin de votre région, ça, non? Oui. Ouais, c'est ça. Bon, allez, il y a pas que des mauvais produits par ici, hein. Bon, donc, je pense que c'est un pays où on a une qualité de vie, une recherche de qualité de vie assez particulière. Vous avez essayé là de le transmettre à des jeunes qui n'avaient pour la plupart jamais mis les pieds au Pays Basque, qui y associaient en général, l'idée de basque aux images traditionnelles, hein, c'est tout juste si tous les basques n'ont pas des cagoules et une kalachnikov sous le coude. Hein. En gros, c'est ça, je caricature, mais c'est un peu l'image qu'on veut donner aux basques. Bon, elle tombe un peu cette image quand même, hein, mais ils ont découvert un pays, une culture, et puis après, comme tout à l'heure, là, la question indépendantisme, bon, socialisme, ça c'est plutôt plus général, bien sûr, l'indépendantisme, oui ou non, pourquoi les jeunes qui s'engageraient là-dedans, bon, après, c'est un autre débat, mais c'est intéressant aussi d'être là pour écouter des gens qui font part de leur réflexion sur la question et qui permettent peut-être d'avoir un autre regard. Ils ont entendu prononcer le mot torture quelquefois aujourd'hui. Donc ils ont compris quand même qu'on est en Europe et qu'il y avait quand même une certaine réalité de dureté de régime par rapport à des gens qui demandent quoi ? Ils demandent juste que leur culture finalement soit reconnue et éventuellement, pourquoi pas étudier le fait qu'ils puissent eux-mêmes décider de la façon dont ils s'organisent politiquement. Enfin bref, ils ont de quoi réfléchir avec tout ça. Bon, allez, jeunesse en action, jeunesse pour la démocratie. Attends, confidence, hein. Ils vont se coucher aussi. Je ne fais pas ma phrase, mais c'est la même que celle qui était valable pour moi, c'est valable pour eux aussi. Hein. Better left. Honen beste ez hause izan da dena, gogorarazten dizuegu, Frikantz Zile Radio Enlace eta Radio Baiekasekin batera, hau da, Frantziar irrati batekin eta Espainiako bi irratirekin batera, Europa mailako egitasmo batean murgildurik eta goela, antxeta irratia, helburua nerabe eta gazteen arteko ezberdintasunak konparatzea delarik, beti ere norberak bere lurraldea kontutan harturik, han jaio edota beste leku hartan sortu, ezberdina baita, egunerokotasunean, ohituretan, kulturan, baliabideetan, azpiegituretan, politika instituzionalei dagokienez, ezberdintasun asko ditugu eta guztiak ikuspuntu baikor batetik, ba begiratu, nahi izan ditugu egitasmo honetan eta aurrera jarraituko dugu. 2013 urteko maiatzan amaitzen da egitasmo hau. Ongi segi eta beste bat arte.